passer les samedis d'été à s'empiffrer de fraises à vélo ou de bonbonnes de protoxyde d'azote. Puis je suis partie, Paris va au Chili Quito, un sac à dos, qu'est-ce que c'est beau. Bien en amigos. Vous manquez tous, tous autant que vous êtes, y'a pas une miette de vous par là. Dommage pour moi, j'ai mis du temps pour arriver ici, vécu 5000 péripéties. À votre compagnie. M'a balancé pendant des années dans des collectifs variés. Camion, yurte ou baracon. J'y ai encore grandi, j'y ai encore appris. Gracias à vous, je me suis épanouie. Mais je suis repartie. Vous manquez tous, tous autant vous êtes. Y'a pas une miette de vous par là. Dommage pour moi. J'ai mis du temps pour vécu 100 000 péripéties en votre compagnie. Maintenant je suis posée en Asturie, c'est très joli et y a plein de place pour toi chez moi. Alors viens, avant la cingla-gla. Ici c'est aussi rempli d'amis, mais je sais que t'as pas le temps parce que le boulot, les enfants, les bibis. Bah. Je sais que j'ai rien de tout ça, honte à moi, ni vacances, ni salaire, une caisse en piteux état. Balle pour moi. Vous manquez tous, tous autant que vous êtes, y'a pas une miette de vous par là. Dommage pour moi. J'ai mis du temps pour arriver ici, avec 100 000 péripéties à votre compagnie. Vous manquez tous, tous autant vous êtes, y'a pas une mec qui vous parle là. Dommage pour moi.